fade ou que le corps s'ennuie, que les lèvres se fendent ou qu'elles restent jolies. Je t'aime, je t'aime. Que le sourire s'en aille ou qu'il vive canaille, que les mains restent lisses ou que le temps les plisse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.